L'espace, l'ultime frontière. Bon, depuis le temps, vous avez l'habitude de l'entendre dire, en sachant que j'ai déjà parlé de Star Trek sur l'Irambule. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau comic Star Trek que j'ai lu dernièrement. Mais avant tout, je vais vous dire bonjour à tous et bienvenue sur l'Irambule. Alors, aujourd'hui, comme j'ai pu le dire en introduction, je vais vous parler d'un comic que j'ai adoré, qui est sorti en février, hein, donc il est pas vieux. Il est sorti chez IDW en relis, en TPB, en février. Pas de sortie en France parce que Star Trek n'est pas publié en France. Je vais vous parler aujourd'hui de Star Trek Q Conflict. Alors, bon, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ont entendu le dernier podcast sur Boldigo, vous comprenez très bien que je suis un grand fan de Star Trek et de l'univers Star Trek, qui est un univers assez vaste avec 7 séries, 10 films, non plus de 10 films, on est quasiment même à 12 films. C'est un univers extraordinaire, mais il y a une chose qui manque à Star Trek, ce sont les crossovers. Aussi vaste que qu'est l'univers Star Trek, il n'y a eu que très peu de crossover. On peut décompter, allez, une petite quinzaine d'épisodes et je dirais un film. Allez, deux si on compte Nemesis. Où on peut voir d'autres membres d'équipage rencontrer d'autres personnes et compagnie. C'est extraordinaire. Moi, ce que j'aime dans ce genre de série ultra connectée, ce sont les crossovers. Que ce soit Stargate, NCIS, Bones qui a eu le droit à un crossover, Hawaii 5-0 qui a eu le droit à des crossovers avec MacGyver et NCIS Los Angeles, et tout ça, on peut parler de Star Wars également. Tout ça fait que j'aime les crossovers. C'est l'avenir pour moi. Les seules choses que je ne loupe pas chez la CW, ce sont les crossovers. Et aujourd'hui, The Q Conflict nous fait le grand plaisir de faire un immense crossover entre la série originale avec Kirk, la série The Next Generation avec Jean-Luc Picard, Deep Space Nine avec le capitaine Sisko et Voyager avec le capitaine Janeway. Rapidement, comment résumer ce comics? C'est une très bonne question. Dans l'univers Star Trek, il y a une entité quasiment omnipotente et ultra puissante. Ce sont les races des Q qui fait partie d'un continuum parallèle qui s'appelle le continuum Q, et ils sont connus pour leur omnipotence et omniscience sur de ses membres. Généralement, les Q sont indifférents à ce qui les concerne pas directement, et voilà. Et ils peuvent donc faire des dommages collatéraux, et c'est le cas dans ce début de comics où il y a eu des supernovas qui ont explosé, plein de supernovas qui ont explosé près de planètes et compagnie. Et c'est Picard qui s'en rend compte et qui se dit c'est bizarre, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Et son androïde Data, le commandeur Data, peut-être l'officier, oui, c'est l'officier scientifique du vaisseau qui lui explique, attention, à mon avis il y a des particules, ça vient des Q. Et donc Jean-Luc appelle son grand ami Q pour lui demander des explications. Ce dernier lui explique qu'ils sont en guerre, que c'est comme ça, mais qu'il n'y a pas de panique à avoir, tout ira bien pour le meilleur des mondes. Jean-Luc Picard lui explique que non, hein, ça ne va pas bien du tout, il faut que vous arrêtiez vos conneries, il y a des planètes qui peuvent mourir. Et il y a Q qui l'amène, sur un grand échiquier où il y a d'autres Q qui sont en guerre, et ils se disent, bon, on va régler le défi en faisant un petit jeu. Et pour ça, on va faire appel à des équipages, et on peut voir que l'équipage de Deep Space Nine a été réappelé. Après, c'est l'équipage du Voyager. Et pour terminer, c'est l'équipage de la série originale qui débarque. Donc voilà. Et puis ce conflit se résout à des grands jeux, assez dangereux quand même, faut le préciser, où il y a des poursuites contre la montre. Il y a également des captures de Reine Borg, complètement hallucinant. Il rencontre également les prophètes, ça c'est pour les habitués de la série Deep Space Nine, et voilà. Le vaisseau monde également, le destructeur des mondes, il le croise. Donc voilà, c'est vraiment très bien parce qu'ils ont su faire appel à chaque élément de chaque série pour bien parler de ce qui se passe avec les Q, et c'est juste génial. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai adoré, ce comics. Sans déconner, c'est pas le meilleur comics du monde, mais c'était un très bon comics pour les fans de Star Trek. Et voilà, j'étais comblé du début jusqu'à la fin. Au niveau des graphismes, c'est bien. C'est très bien dessiné également. Les 6 chapitres se lient très rapidement. Les dessins sont bien sympathiques. Ça me rappelle un peu du Phil Noto au niveau du trait, même si c'est pas lui qui dessine, c'est David Messina et Sylvia Califano. Donc voilà. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Le comics est à retrouver chez vos libraires qui vont réouvrir et qui font de la VO. Ou sinon, malheureusement, sur Amazon. Il me semble que vous pouvez également le commander sur certains sites américains ou anglais, type Forbidden Planet, qui peuvent vous l'envoyer en France. Donc voilà. Sur ce, j'ai terminé sur ce podcast. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à nous retrouver sur toute notre plateforme où on fera soit du live, du stream, soit dans le débat comics parce qu'on a trouvé une solution pour tourner, soit sur nos réseaux sociaux. Enfin bref, on est partout. N'hésitez pas. Et voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.